Chapitre 8e, en route pour le camp des Amazones. Le soir, en rentrant, on trouva une collation toute prête. Attention délicate. Pendant la journée du lendemain, Dussonville organisa son convoi. On n'y prête jamais trop d'attention et de soin. Il emmenait avec lui 40 ânes avec 20 ânières. Les ânes portaient des provisions, des petites tentes, des vêtements, des armes surtout, pour les Amazones qui n'avaient que leurs mauvais fusils de traite. Chaque ânière conduisait 4 ânes couplés 2 à 2. Ces femmes avaient toutes l'ancien uniforme des Amazones, mais renouvelé à 9. De plus, elles étaient chaussées et bien guêtrées. Elles avaient l'air très déterminées, très disciplinées. Une d'elles portait à sa coiffure un galon d'argent. Elle avait un grade équivalent à celui de lieutenant. Elle était grande et forte et d'aspect très martial. Elle commandait militairement. « C'est Gliglibena, » dit Ikilea Dussonville. « Elle est cousine de Takidata et très capable. » Elle reçut une balle dans la poitrine à l'assaut de Cotonou en voulant arracher un fusil à un tirailleur par un créneau du fort. Elle a été soignée par les Français et elle s'est rétablie. Elle est très dévouée maintenant à la France. Son sergent et ses deux caporaux sont ses parentes. Des braves comme elle et très respectées des Amazones. Ils étaient haut gradés au temps de Béanzin. Dussonville, quand Ikeli lui présenta les gradés, les complimenta d'un air aussi sévère que convaincu. « Je sais ce que vous valez. Je suis fier de vous. Vous êtes comme des perles à mes doigts. Je serai toujours juste avec des Amazones qui me font honneur. » Il leur serra la main. Puis il leur présenta Mademoiselle de Pellouer en disant « Celle-ci est ma nièce. Elle est venue pour chasser l'éléphant avec vous. « Non, non !» se récrièrent-elles. « C'est trop dangereux. Non !» Mais elle, souriante, leur dit « Je le chasserai. Ma vie n'est pas plus précieuse que la vôtre. Je n'ai pas plus peur que vous de la mort. » Puis fièrement, « En est-il une de vous qui couperait le cou à un des pigeons qui vole autour de nous ?»« Moi, d'une balle, je vais en décapiter un. » À Tikili. « Faites-moi donner un fusil de chasse et une cartouche à balle. » Tikili, qui avait d'excellents le faucheux, en demanda un à son esclave favori qui alla le chercher. Tout le monde était attentif et surtout Dussonville. Mademoiselle de Pellouer examina l'arme avec attention, la soupesa dans sa main, mit en joue plusieurs fois sans pause, consciencieusement. De son œil voilé de jaune qui étincela comme de l'or au soleil, elle regarda une bande de pigeons qui, tranquille, se reposait au soleil sur le toit de la case de Tikili. Elle dit à celui-ci « Quand je le tiendrai en joue, jette-leur une pierre. » Elle les ajusta, Tikili lança la pierre. Mademoiselle de Pellouet fit feu sur l'envolée et un pigeon tomba. La balle avait tranché le cou auprès de la tête. Les Amazones poussèrent des cris d'enthousiasme. Dussonville était étonné, mais il ne le laissait pas voir. Mademoiselle de Pellouet se révéla ce jour-là tout entière. Superbe, étincelante de bravoure et d'audace, elle s'avança vers les Amazones et se planta devant elles, sans geste, sans forfanterie. Elle leur dit « Vous êtes braves !» « Je le sais, vous l'avez prouvé. Mais moi, je suis aussi brave que la plus brave. Qui fait la peur? La crainte de mourir? Je suis forte contre la mort. Jamais je ne ferai un pas pour l'éviter. Si un éléphant, un lion, un rhinocéros me charge, je le tuerai, ou il me tuera. Mais je ne fuirai pas. » Et tendant le bras, « Vous me verrez bientôt devant les bêtes fauves. Vous ferez mieux que moi, mais jamais plus bravement que moi. » Les Amazones, électrisées, se mirent à pousser le hurrah d'Ahoméen, qui est un cri frénétique. Dussonville savait que Mademoiselle de Pellouer était courageuse, droite de caractère et énergique. Mais il ne s'attendait pas à la voir sous ce jour héroïque. Toutefois, il laissa l'enthousiasme des Amazones se calmer un peu, puis il les passa en revue.